voici monsieur Guillermo Guise. On passe du bonheur à Guillermo Guise. Ah. Choc. Vous allez passer de Pierre Ardiquier et Vina à moi, parce que je suis à la Renaissance juste après eux. Oui. C'est vrai ? Ouais, à partir du 4 janvier. Très bien. Waouh ! Voilà. Bon. Je vous ai vu faire l'allemande là. Je vous ai vu faire l'allemande, j'étais là. Bref, peu importe. On peut parler mieux, mais pas plus vite. Bon, ça va les amigos ? Non, il faut juste expliquer ce qu'est une allemande. Il y a l'italienne au théâtre et il y a l'allemande. Explique. Ah, mais je ne savais pas non plus. En fait, c'est l'allemande, c'est quand vous faites les déplacements, c'est ça ? Ouais. Oui. Exactement. Et je vous ai vu parce que j'étais en train de visiter le truc et vous étiez en train de faire ça. Parce que là, chez vous qui êtes passé. Exactement. Oui, je me souviens. Oui, ça nous a bien fait chier. Vous étiez habillé en blanc, je me rappelle. Oui. Très bien. Bon, alors, je commence avec mon truc. Oui. Alors, lundi passé, en rentrant de Bruxelles, j'étais tranquillement assis dans le Thalys quand tout à coup. Mais quoi ? Ça commence fort, hein ? Vous n'êtes pas pendu à mes lèvres, vous n'êtes pas en train de vous dire mais que l'est-il arrivé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, je dois faire des contes pour enfants, moi, non ? Et la princesse lui mit une droite en lui disant c'est la dernière fois que tu m'appelles bébé. Bref, j'étais dans le Thalys, vers Bruxelles, normal, j'avais mes écouteurs et tout, tu vois, je faisais mes mots fléchés. Mm. Je vous ai dit, je deviens fort, hein. Là, je suis aux portes de l'équipe nationale, vraiment, c'est bientôt France-Belgique en mots fléchés, je suis déter. Enfin, chez vous, le sélectionneur, c'est Gabriel Matzneff en plus, tu vois, donc j'ai vraiment envie de comprendre. Et donc, mon voisin de gauche dans le Thalys, il est juste en biais et à un moment, il se lève en trombe. Et il démarre, mais vraiment comme un boulet de canon, vers une personne qui est assise vraiment deux sièges devant moi. Quoi. Et là, je me dis, c'est un malaise cardiaque ou une crise d'épilepsie. Donc là, ni une ni deux, je retourne à mes mots fléchés. Quoi. Dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai zéro notion de secourisme. Si c'est moi qui dois te faire un massage cardiaque, frère, c'est plié, t'es dead. Hein. Franchement, moi, si tu vois la lumière blanche au bout d'un tunnel, mon conseil, continue à marcher et commande une pina colada, hein, parce que tu vas jamais revenir. Hein. En plus, il me rendait fou ce mot fléché. Il a la tête dans le bassin en cinq lettres. Il s'avère que c'était fémur. Moi, j'étais parti sur Florent Manoudou, tu vois, vraiment. Mais ah bah, si t'es pas concentré à 100%. Et donc là, le mec, ça commence à crier, quoi. Je vois le mec, il est vraiment vénère. Et il hurle, il fait « Vous avez pas le droit de me prendre en photo. Vous avez pas le droit de me prendre en photo comme ça. » Et je me dis « Nagui, c'est toi ?» Vraiment. Nagui, j'ai déjà vu dire ça à des gens. « Vous avez pas le droit de me prendre en photo. » Pendant un shooting, vraiment. Et le photographe était là « Mais c'est vous qui m'avez engagé. » Et Nagui, « Oui, je sais, désolé, mais ça me rend si grognon, cette cocaïne. » Et c'est vrai que... Mais bon, avec ce qu'ils disent, je comprends la situation. En fait, je comprends que le mec avait enlevé son masque. Il avait enlevé son masque un peu longtemps pour boire et la vieille dame l'avait pris en photo, quoi. Vraiment. Et donc, ça peut arriver. Parfois, t'es nostalgique de la Gestapo. Tu vois, en 41, t'as eu un crush, il s'appelait Helmut, tu t'es pris au jeu, quoi. C'est comme c'est vite. Regardez Daniel avec Marion Maréchal, tu vois, il n'y a pas si longtemps, il avait rien contre les Arabes. Mais l'amour, hein. L'amour. Et là, le mec fait, ça va pas en rester là. Il dit, ça va partir au pénal. Et dans ma tête, je me dis, ça va partir au pénal, t'es sûr? À moins que tu sois vraiment en colloque avec Éric Dupond-Moretti, ça va partir nulle part, tu vois. Il s'est dit, elle m'a pris en photo, ça va être le procès de Nuremberg. Et en même temps, elle s'est dit, je vais le dénoncer, il va prendre perpète. Je crois qu'ils sont tous les deux surévalués leur impact sur la justice de France, franchement. Mais ça monte encore dans les tours. Et le mec, il pète un plomb, il fait, effacez cette photo tout de suite, donnez-moi ce téléphone. Et c'est à ce moment-là que je me dis, imagine, elle prenait juste un selfie, tu vois, vraiment. Et que la vieille lui fait, frère, j'étais en train de snapper, là, vraiment, tes mains, c'est un filtre chien, vraiment, tu vois. Ah bah, il aurait été bien contrit. Et donc là, ah bah oui. Et donc, il prend le téléphone, il revient à sa place, mais il est vraiment vénère, quoi. Il y a un énorme flottement dans le wagon. On sent tous qu'il faut que quelqu'un intervienne. Moi, j'ai l'impression d'être le 11 septembre dans le vol 93, là, tu vois. J'envoie un SMS à ma soeur, j'ai en mode, si je m'en sors pas, dis à Laurence Bloch qu'elle me donne encore une chronique, quand même, tu vois, parce que j'étais pas assis juste à côté, mais j'étais proche du mec. Et personne ne bouge, quoi. Je dis, bah voilà, j'ai bientôt 40 ans, je suis un adulte, j'ai l'âge d'intervenir. J'interviens, quoi, problème. Moi, je savais pas du tout lequel des deux avait raison, tu vois. La vieille dame, elle avait pas le droit à prendre son photo pour le dénoncer, mais lui, il avait pas crié aussi fort sur une vieille, quoi. Moi, j'ai jamais crié sur une vieille, sauf une fois, Leïla, parce qu'elle avait vu dans mon yop, en plein Covid. J'étais là, vas-y, achète-toi ton propre yop. Hein. Moi, j'avais plus touché après, au-delà de la pandémie. Moi, je sais où Leïla le met sa bouche, tu vois. T'as pas envie que ce soit dans ton micro. Donc, je me dis, j'interviens, quoi, et je me lance et je fais, monsieur. Mais quand je dis monsieur, j'ai aucune idée de ce que je vais dire derrière, tu vois. Je dis, calmez-vous, il y a des gens. Dans ma tête, j'étais là, il y a des gens, c'est le seul truc que j'ai trouvé à dire. Je vais le tenter dans un concours d'éloquence, tu vois. Pourquoi c'est pas bien de coloniser la Palestine? Il y a des gens, vraiment. Et là, le mec vénère, il me fait quoi? Vous auriez envie qu'on vous prenne en photo, vous? Comme ça? Et là, ni une ni deux, je retourne dans mes mots fléchés, quoi. T'es sûr que c'est pas François-Laurent Doulu? Donc voilà, ce que je veux dire, qu'il y avait dans le train quelqu'un vraiment, un écrivain vraiment très célèbre dans le train, quoi. Il avait pas de max du tout. Je l'ai pris en photo, je me dis, ça va partir en pénal, ça, franchement. Bon, allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillermo. Et Guillermo, on se retrouve sur scène à Marseille, Clermont-Ferrand, à Sérignan aussi, puis à la Renaissance à partir du 4 janvier.